MEV dans vos oreilles. Semaine 17. Octobre 2019, jour numéro 2 dans le Transsibérien, et on est au bord du lac Baïkal. C'est énorme et c'est surtout magnifique, et on essaye de converser avec des copains ouzbeks. On y arrive, tant bien que mal. Micro. Microphone. Ils sont en train de télécharger une application pour traduire, pour parler et traduire en français, si vous voulez, mais on a dû qu'en anglais, ça ira. Parce que le dictionnaire, ça pratique une seconde pour trouver un mot, mais quand tu veux faire une phrase, ça devient un peu long, quoi. C'est ça. Mais déjà, donc, réussi à comprendre qu'ils venaient d'Ouzbékistan jusqu'à une ville qui est quelque part entre ici et Vladivostok pour aller travailler, quoi. Donc les mecs, ils parcourent toute cette distance. Et on a... Même si toi, tu faisais Paris-Moscou, quoi, pour aller bosser. Ouais. J'ai pas encore réussi à savoir ce qu'il faisait comme boulot. Mais bon, peut-être qu'on va y arriver avec leur application. Et voilà, donc c'est assez impressionnant, là, le lac. C'est très, très, très beau. Il paraît que c'est un arrêt à faire, quoi, quand tu prends le temps sibérien, ouais. Que tu prends ton temps. Et là, on est un petit peu sur les hauteurs. Encore une fois, je pense que c'est la saison parfaite parce que les couleurs sont magnifiques. Quoi. La lumière est hyper jolie, les couleurs sont très très belles déjà. Une locomotive en bas, là, on dirait une vieille. Il y a des trains partout, alors c'est clair qu'on voit des chemins de fer, même de part et d'autre, quoi. La forêt et tout. Mais c'est vrai que là, les troncs blancs des bouleaux et les feuilles oranges. Ah non, ça fait une ambiance. Unique. Ah, c'est beau, quoi. Ah Je ne risque pas de trouver. Alors, quel âge 64 aujourd'hui. Bah, notre... hein 64 aujourd'hui. Je crois que c'est un projet, 64. Ouais. 63. Vas-y, 64. De toute façon, on ne sera jamais à la retraite. Toujours au bord du lac Baïkal. Donc, en fait, là, nos copains ouzbeks, ils vont... Ils font 7000 km depuis chez eux pendant un an ou deux ans. Et ils ont quand même le droit de retourner voir leur famille une fois par an. Ils ont 25 jours par an de congé, quoi, comme nous. Ouais, ou deux ou trois mois tous les deux ans, c'est ça ? Ouais. D'affilée, je pense. Comme en effet, il leur faut déjà une semaine pour y aller, une semaine pour revenir. C'est vrai que sur 25 jours, ça ampute un peu, quoi. Ouais. Donc ça vaut peut-être le coup de prendre tous les deux ans, trois mois. Ça veut dire, ouais, tu vois pas ta famille pendant un moment, quoi. Ouais, mais alors j'ai l'air de comprendre des questions qu'ils nous posent, que je suis pas sûre que ce soit des mariages d'amour. Ah oui. Et j'ai l'impression que, en tout cas pour lui, les enfants c'était plus du boulot qu'une joie, quoi. Donc j'ai pas l'impression qu'il ait vraiment choisi tout ça. Donc à la limite, peut-être ça l'arrange bien d'être loin de sa famille. Enfin, tu vois, ça le dérange pas, en tout cas, je sais pas. En tout cas, il insiste pour qu'on ait un enfant. Hein. Non, ça date de naissance, mais on ne peut pas dire parce qu'on n'en a pas. Ça a l'air de beaucoup les perturber. Aussi, le fait qu'on s'aime, ça perturbe les gens. C'est quand même la troisième fois qu'on nous pose la question, je crois. Savoir si on s'aime. Il y a un concours de c'est vidéos. Tout le monde est en train de filmer. En fait, on vient de... On se fait filmer aussi. Et... Voilà. Du coup, on leur a appris qu'on était au bord du lac Baïkal. Ça, c'est du tabac. Chip le faire. Ouais. C'est pas la même chose que l'autre truc qu'il nous a proposé le mec. Tout à l'heure, je l'ai vu cracher un gros molar bien noir. Ah, ouais. De chic. À l'ancienne. Ouais, donc on leur a appris que c'était le live Baïkal. Parce que moi, je pensais que c'était un trajet qu'ils connaissaient plus régulièrement, mais vu que c'était la première fois là qu'ils venaient à leur endroit où ils ont travaillé, donc sur une. Pas une plateforme, soit une raffinerie ou. Quelque chose en lien avec le pétrole en tout cas. Ouais, ils sont en train de la construire en fait, hein, j'ai l'impression. Oui. Ouais. Ils nous montraient sur YouTube la vidéo en 3D de la construction du projet. C'est une boîte turque qui les emploie. Et ben voilà. Pour $250 par mois. Et aussi les retraités de. Garde frontière. Sur la frontière tadjik. Turkmène. De l'Afghanistan. Et il a que 36 ans. Mmh. Il est retraité de ça, il a $250 pour de retraite. Et là, plus $250 pour ce travail-là. Il faut qu'il nourrisse 4 enfants. Il y a un de ses enfants qui est en France en pensionnat. Mais on sait toujours pas dans quelle ville, puisqu'on n'a pas réussi à se faire comprendre. Oui, dont une fille, qui ça avait l'air d'être un sujet, donc je sais pas. Oui, il a bien insisté qu'il avait une fille. Voilà. On sait pas trop pourquoi. Tournage multicam. Ils sont sympathiques. Ah, ils sont adorables. Non, c'est chouette. Non, je sais, je trouve ça intéressant parce qu'il apprend des jeux. Enfin, on. Ils sont très curieux, donc ils apprennent des choses, nous on apprend des choses sur les trucs, etc. C'est hyper intéressant. Mais finalement, bah, tu vois, j'avais l'impression, alors peut-être ça dépend un peu du hasard aussi, mais moi le transsibérien c'était un peu à la voile again, quoi, tu vois, que genre ça picolait, tu vois. Ouais, alors et après, ça a l'air. Le truc, c'est que bah, là, on est avec des Ouzbeks qui sont musulmans, donc ils boivent pas. Oui. Mais il n'y a pas ou que. Pas. Bah, il y a quand même beaucoup de Kazakhs ou d'Ouzbeks là. Hein. Qu'il y a beaucoup plus, en effet, de Kazakhs. Enfin, j'ai l'impression de me retrouver dans le train en Kazakhstan et pas du tout dans un train russe, quoi. Oui, mais tu vois, il y a quand même des passages, des contrôleurs. Enfin, il y a des contrôleurs, en plus des deux responsables du train, les deux dames. Enfin, ça a l'air d'être un peu. Un peu strict, tu vois. C'est peut-être un petit peu, tu vois, raffermi. Enfin. Peut-être, ouais. Non, mais je m'attendais pas à une ambiance aussi cool, quoi. Calme, ouais. Enfin, calme, en effet. Avec des mecs qui crient, qui ont trop bu. Par contre, ça ronfle la nuit. Hein. Ça ronfle. Faut dire, t'es avec des mecs de 40 ans environ, bien portants. Donc, il y a des chances pour que ça ronfle, hein, quand même, faut le dire. Ouais. C'est encore beau, là, putain, le lac Baïkal, quoi. Heureusement qu'on le fait de jour, hein. Mais ça aurait été un peu dommage de le faire de nuit, en effet. C'est immense, quoi. Ouais, tu vois pas le. Comme la mer, tu vois pas l'horizon, quoi. Ouais, et donc, je voulais quand même raconter que hier soir, quand on était allé se coucher, on a décidé d'aller se coucher un petit peu tôt. Parce qu'on s'est fatigué. Et qu'on avait pas grand chose à faire, enfin, faut dire. Bon, à part lire et t'allonger et discuter, t'as pas grand chose à faire, donc comment tu fais du quand ce n'est qu'on allait se coucher. Et en fait, moi j'étais allongée sur le ventre en train de lire tranquillement mon bouquin quand je me suis fait pousser les pieds par un mec qui a voulu s'asseoir à mes pieds. Donc, bah, du coup, je me suis décalée. Ça, c'est l'avantage de dormir en haut, pas te faire chier. Je me suis un peu recroquevillée et tout ça, et puis à un moment donné, quand j'allais finir, j'étais un peu fatiguée, bah, du coup, je me suis mise sous mes draps, quoi. Sauf que bah, je pouvais pas étendre mes jambes. Ça, il devait être. 20h, ça a duré jusqu'à au moins 23h, hein, donc j'avais quand même pas trop fait la place dans mon lit. Ils avaient décidé de. Bah, ils jouent aux cartes en fait, donc ils avaient utilisé la table qu'il y a dans le couloir. Ils avaient pris les deux sièges, ils avaient piqué la place des gens d'ailleurs qui étaient censés être assis là. Hein. Bon, même si ça bouge beaucoup de toute façon, donc. Oui. Il y avait deux personnes qui étaient assis du coup au pied de notre. De mon lit et de celui d'en face. Et bah ça parlait assez fort, ça jouait quoi, donc ça se disputait un peu, enfin voilà. Donc c'était pas facile de dormir. À un moment donné, je me suis réveillée, et du coup il y avait trois personnes assises sur le truc d'en face. Puisque bah du coup, petite assis là, vous avez pu les gens. Plus il y en avait du coup 4 à mes pieds et tout, enfin, ça faisait un peu beaucoup pour mon espace vital quoi. Et du coup je me suis dit que c'était assez fou parce que c'était un peu ce qu'on avait ressenti au Kazakhstan aussi. C'est que la notion d'espace et d'espace vital est pas du tout la même qu'en France. En fait en France, quand tu t'assois dans un train, si tu t'assois sur la place de quelqu'un d'autre, clairement ça peut faire un scandale hein, parce que les gens sont quand même un peu vénères parfois. Moi la première, hein, enfin d'ailleurs quand c'est ma place quoi. Enfin, tu vois, j'ai pas non plus... Non mais surtout que quand tu voyages à deux, t'as envie d'être l'un à côté de l'autre, hein, tu vois, donc... Bon, de la faire un scandale, moi non, mais ça peut arriver. Parfois quand tu demandes aux gens si tu peux échanger de place, ça marche pas toujours, hein, donc les gens sont quand même très agrippés au truc de... Ils ont payé leur place, donc du coup, tu vois, c'est leur numéro, quoi. Alors ici, c'est pas du tout le cas. Enfin déjà, je pense que les mecs, ils ont fait tout le wagon, ils se sont assis à toutes les tables du wagon depuis qu'on est rentré. Et c'est vraiment, tout le monde s'assoit à ta place, sur ton lit, sans trop vraiment te demander ton avis et tout. Ce qui est assez étonnant. Moi en soi ça me dérange pas. En revanche le fait qu'on s'assoit sur ton lit quand t'es en train de dormir et que du coup on te pousse, ça c'est un truc qui bon d'un point de vue vital tu vois c'est un petit peu too much pour moi. Et toi tu dis que c'est qu'on aurait dû prendre une première classe ou une deuxième classe, mais ça n'a aucun rapport, ça te dérange pas d'être avec des gens, c'est juste que quand tu dors, tu vois, tu. Enfin, c'est pas pareil quand t'es en journée, t'es assis, tu peux t'asseoir les uns avec les autres et tout, ça ne dérange pas, tu vois. Quand t'es allongé et que t'es obligé tu vois, de te mettre en boule parce que du coup il y a des gens qui prennent ta place, bon c'est quand même un peu inconfortable. Tant qu'ils rentrent pas dans ton lit, ça. Rien plus que ça, tiens. Voilà. Il y a des jolis arbres rouges là, on a vu. Tu les as vus ou pas? Oui, je vois un petit peu de feuilles rouges. Oui. C'est beau. C'est bien. Ah, ok. Alors, tous les pays qu'on a fait. Décalage horaire. 6 octobre 2019. Troisième jour. On est malade. On est en Norvège. On est début de maladie, on ne sait pas comment ça va. Bah on est malade quoi. Ouais. Enfin moi je suis malade. Hein. Toi c'est la gorge, moi c'est la toux. C'est mon voisin de lit qui n'arrête pas de tousser et qui s'est certainement craché dessus. C'est horrible. On a mis du temps à pouvoir dormir parce que c'était un peu le bordel jusqu'à tard. Vous aurez peut-être joué aux cartes assez tôt. Oui, parce qu'il n'y avait plus de lumière. Mais en revanche, ils adorent parler en FaceTime. Sans écouteurs. Sans écouteurs. Très fort. C'est très fort. Et en plus, je trouve que les gens parlent très très fort. Globalement. Oui, bah ça après. C'est possible, mais ils parlent fort. Enfin, ils parlent plus fort quand il s'agit de téléphone. On est un peu pareil. Ah, pas moi. Tu sais pas. Non, je le sais. Donc, jour numéro 3, nouveau paysage. Ça change un peu. Donc, c'est plutôt. Ta végétation est un peu morte, hein, un peu. Plus basse, un peu plus steppe. Mais. Ouais, avant que tu te réveilles. Un peu toundra. C'était un peu de la steppe, plus comme ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, quoi. Mmh. Au Kazakhstan. Mais là, c'est vrai que c'est un peu plus haut. Mmh. Il y a de l'eau. Il fait gris aujourd'hui, pas trop de soleil. Peut-être qu'on va pouvoir laisser le store ouvert. Ouais. Je suis impressionnée de ce petit bout de chou là qui est depuis qu'on est rentré. Parce qu'il parle par contre. Enfin, qui est hyper sèche. Qui est beaucoup plus sèche que les adultes. Trop mignonne. Mmh. Elle nous observe forcément. Ouais, mais elle est timide. Ah bah oui. Oui, pas comme tous les gamins, je pense. Elle se cache. Dame en face de nous qui fait des mots croisés. On a déjà eu deux personnes en face de nous depuis hier soir. Une qui a dormi une partie de la nuit, qui est partie assez tôt. Et du coup, une nouvelle. Il est 11h donc, et on va. Finalement, j'ai bien dormi au total. Je le fais tard, hein, du coup. On n'a pas dit ce qu'on avait mangé hier soir. On a mangé un bon truc. À Ulan-Ude. Oui, t'as acheté des petits beignets à la pomme de terre. Ouais, Parce que le soir d'avant, c'était des petits beignets à la saucisse. Mm. Bon, c'était pas horrible, mais c'était pas très très bon. Oui. Mais du coup, là, c'était bon, le beignet à la patate. Oui, mais même celui, il y en avait un, on savait pas ce qu'il y avait dedans, c'était du poulet. Mais c'était bien cuisiné. C'était ouais. Bien cuisiné, c'était avec des patates, des herbes et tout ça. Donc ça changeait un peu là, ça faisait du bien quoi. Ouais, parce que bon, les cacahuètes c'est sympa. Mais... On a acheté un bon morceau, un pain entier là pour se faire des petits morceaux de pain comme ça. Et ça aussi, ça faisait du bien de manger un peu de pain. Ouais, c'est du pain de seigle. Ça... Ouais bah, je pense qu'il y a du seigle hein, dedans. C'est un pain un peu complet, ouais, en effet. Pardon. Je te tousse dessus en plus. Oui, on vous ment pas. On est vraiment malade. Ouais. Normalement, oui. Ils nous ont pas atteint de la même manière. Du coup, j'arrive pas trop à savoir si c'est le monsieur qui nous a toussé dessus ou si c'est la nuit, on a dormi, on a eu hyper froid et tout ça. Les probabilités font que, quand même, c'est souvent c'est des germes, ça vient de gens qui sont malades. Oui, mais peut-être qu'il y avait des gens malades aussi dans le temps. Enfin, en tout cas, c'est pas la fête quoi. Non, là, je pense que. Ça aide pas quoi. Et puis. Du coup, moi j'ai pas hyper bien dormi, un peu mal à la gorge, toujours un peu. Je sais pas, c'est dur quoi. Enfin, j'ai mal un peu partout, je sais pas pourquoi. Mais après. Plus que deux nuits et après t'auras un vrai lit. Ouais. Et puis après une encore. Nuit, puis après, on sait pas. C'est pas trop quoi. On verra. Mais donc, ouais, dans moins de 48 heures, on est arrivé à Gladys, Vostok. Pour l'instant, ça passe plutôt vite, ça va. Ouais. Partiellement des amoureux du train donc. Et de rien faire. Bon, on fait pas rien. Mais de prendre son temps quoi. Bah même c'est ça qui est bien avec le voyage. Mmh. On va petit déjeuner. Ouais, après j'irai faire ma toilette. Nous sommes le 7 octobre. 2019, pardon. T'es pas assez réveillé. Bah, je suis un peu la tête dans le pâté vu qu'on est malade quoi. J'ai encore un peu la gorge, le nez qui commence à être pris et tout. Toi tu tousses pas mal. Ouais. Ils nous ont laissé un bon cadeau. Ouais, c'est clair. Plus on a à chaque fois un petit décalage horaire. Quasiment chaque jour, on avance d'une heure. Ça fait le soir, moi à 1h du mat, je suis encore... encore au taquet quoi. T'étais pas trop au taquet à 1h du matin non. Hier soir, moi je peux te dire, ce que je me suis couché de 20h30 et demi, tu dormais bien bien. Je suis pas sûr qu'on soit réglé sur la même heure. C'était la nuit d'avant en tout cas, je pense. Et du coup le matin on se lève un peu tard quoi. Ouais, mais on s'en fout. Ouais, oui, mais alors moi je me fais un peu scruter, donc du coup c'est un peu gênant, c'est quand tu te retournes et que tu vois qu'il y a genre trois personnes qui te regardent, c'est un peu partout. T'es pas la paix. Mais bon, ça va. A priori, ce sera fini aujourd'hui. Oui. Enfin, dans une heure, quoi. Même pas. Mmh. Bon, c'est pas qui on aura à la place. Ah oui, peut-être ça sera pas mieux. Bah, globalement, j'ai l'impression que les Russes sont moins... engagement la conversation, ils sont en effet moins intrusifs quoi, que les Asies centraliens, je sais pas comment on dit. Les centra-asiatiques. Ouais, ça serait... je sais pas, je tente. C'est marrant parce que je viens de finir donc, le bouquin de Nicolas Bouvier, à la fin il est en Afghanistan. Et il raconte que quand il arrive dans un endroit insalubre, au plein milieu de la pampa, n'importe où, il y a un peu de monde et tout, les gens lui disent bonjour, puis après tout le monde retourne à ses petites affaires. Et il dit ça fait du bien de ne pas avoir tout le monde qui te pose plein de questions, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, qui t'assène de questions. La formule c'était qui te tue de questions des pieds à la tête. Et en gros, a priori, enfin ce qu'il disait en Afghanistan, mais c'est en 53, peut-être ça a changé depuis, mais que c'était un dicton quoi là-bas. Que c'était mal poli de poser plein de questions en fait. Mmh. C'est vrai que t'as un peu l'impression d'être une petite bête de curiosité, quoi. Donc ça va parce que. Surtout qu'à chaque fois, dans le lot, on a toujours une question qui nous étonne, qu'on n'a pas encore vue. Bon, on vous la raconter de toute façon. Et concernant hier, on n'en a pas beaucoup parlé, mais au niveau paysage, eh ben, c'était beaucoup d'arbres qui étaient... En hibernation. En hibernation, exactement. Donc je pense que c'était que des bouleaux. Il y avait des forêts entières, mais vraiment à perte de vue. Hein. Toi, tu dormais à ce moment-là. Eh ben voilà. Je vous ai pas menti. J'ai même mis ma polaire ce matin. Ah bon? T'as froid? Bah ouais. Bah c'est le rhume quoi. Pardon, tu peux retourner à tes petites occupations. La forêt, oui, les forêts à perte de vue de ces arbres. Pas morts, mais. Juste les troncs et les blancs en plus, et les branches. Et ouais, ça faisait vraiment une ambiance particulière. Et là, on a retrouvé un paysage qui mêle ces arbres avec d'autres arbres aux feuilles bien oranges de l'automne. Ah oui, pardon. Et des conifères qui vont rester là l'hiver. Donc il y a une palette un petit peu plus large de couleurs. Et c'est pas... Là, l'ambiance est hyper agréable parce qu'il fait gris avec cette ambiance un peu spooky, quoi. Je vois comment. Vraiment l'automne, quoi. Peu, ouais. C'est. Et puis, des fois, de temps en temps, tu vois une petite cabane un peu perdue là, au milieu de nulle part. Enfin, pas super perdue parce qu'elle est près des rails. Alors, c'est vrai que le paysage n'est pas très changeant. On avait dû dire qu'en effet, c'était pas très. Ça peut être un peu monotone, quoi. Mais moi, je... Ah, ça, c'est mon pied. Ouais. Ah, bah, encore, ça, c'est mon pied. Voilà. Ah. Il a boutonné mardi avec un crotis. Monotone. Bah, je trouve pas si monotone que ça. Moi, ça me dérange pas du tout. Je trouve ça plutôt apaisant, en fait, comme paysage. Ah ouais, moi, je suis capable de... J'étais hier, pendant une heure, j'avais la tête contre la fenêtre. Alors, c'est sûr que si t'es hyper actif, faire ce genre de choses, ça peut te rendre un peu dingue, je pense. Mais nous, qui sommes plutôt d'un tempérament assez calme, qui aimons bien lire, tu vois, regarder le paysage et tout, c'est une expérience quand même assez agréable, en fait. Enfin, c'est de perdre la notion du temps. Alors, la seule notion du temps qu'on a, c'est quand on doit s'arrêter pour aller acheter à manger. Donc on sait que voilà. C'est important ça. Mais sinon, le reste, tu perds toute notion de temps et d'obligation. Donc bah, tu te lèves quand t'as envie de te lever, tu manges quand t'as faim, sans trop savoir quelle heure il est, sans trop. Tu t'en fiches un peu. Tu vas marcher sur le pied. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Bah, que. Oui, que du coup. Hyper actif, non, mais que du coup, pour nous, c'était assez agréable en fait de prendre le temps comme ça. Moi, j'avais un peu. Bah, tu sais, on sait jamais avant de prendre le train quand même, enfin, c'est une si grande distance. Je me demandais si on n'allait pas péter un cap quoi. En fait, non, ça passe bien quoi. Moi, j'avais plus peur de me retrouver avec des gens un peu. Chiants. Enfin, vois, que ce soit désagréable les interactions. Plus que le fait que ça me dérange de rester assise pendant 6 jours, quoi. Ah oui, d'accord, ouais. On n'a pas le même rapport à... Non, pas les mêmes craintes. C'est clair. Après, ce que tu dis là, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça peut être un peu relou, quoi. Bon, globalement, on a de la chance. Non, ils étaient hyper gentils, ouais. Ils nous ont posé des questions, mais sans être non plus trop... voilà, donc ça va. Mais ça aurait pu être un peu... Enfin, selon sur qui tu tombes, ça peut être relou, quoi. C'est quand même le mec qui me regarde quand je dors et qui me prend des photos de moi pendant que je lis et tout. C'est vraiment, quand il était dans son lit, il passait son temps à me regarder et c'est un peu angoissant. Ouais, je comprends. Ça va qu'il il a l'air gentil et que. Ah, mais voilà, tu sais, les plus grands psychopathes ont l'air gentils. Hein. Non, mais on dirait un ours. Et t'es là, quoi. Mais. Je suis là. Non, mais bon, du coup, ouais. Mais ouais, j'aurais été toute seule, je sais pas. Enfin, j'aurais peut-être moins bien vécu le truc, quoi. Oui, bah, je comprends. Voilà. On a dit une bêtise quand on a dit que c'était la première fois qu'on avait des dames en contrôleuse. Ah bon? Et en responsable de wagon. Bah oui, entre pour aller à Bishkek. Entre Turkestan et Bishkek. Ah oui, tout à fait. C'est vrai. Et sinon, hier, tu m'as trouvé du fromage à tartiner. Alors, je crois que j'ai jamais été aussi contente de bouffer un truc aussi à la base quand même pas délicieux. Hein. Si j'avais mangé ça en France, je me serais pas dit délicieux. C'est une vache qui rit avec un petit goût de cheddar comme dans les hamburgers, enfin l'espèce de plaquette dans le plastique. Mais avec du pain, je veux dire que ça faisait, ça m'a fait ma journée. Comme quoi nos exigences baissent quand même. Et du bon pain là, on a trouvé du pain un peu plat, un peu oriental quoi. Ouais, du pain d'Asie quoi. Par le centre. Toi, tu t'es acheté du fromage en plastique encore. Ouais, bon, je sais pas, une espèce de. De gouda, non, enfin non, comment on peut appeler ça. Je sais pas ce que c'est. Bah, c'est le fromage jaune, le yellow cheese qu'on voit depuis. Depuis la Bulgarie, mais depuis la Turquie quoi en fait. Mais il y en avait en Bulgarie aussi, je crois. Ouais, c'est possible. Oui, qui a un espèce de fromage un peu sans goût quoi. Je sais pas si on a raconté les maisons. Alors, toutes les maisons sont en bois, hein. C'est-à-dire que t'as que du bois. En même temps, ils ont du matériau à disposition quoi. Ah bah, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. De temps en temps, il y a des baraques. Donc c'est vraiment, elles sont faites. C'est des cabanes quoi. Et tu sens que bah ils veulent faire un petit côté chic. Alors ils soignent une façade avec une fenêtre ou tout. Bah pas de temps en temps, hein. C'est quasiment tout le temps où les fenêtres sont hyper colorées. En fait, il y a la fenêtre et autour il y a une espèce de peinture, ouais. Souvent bleue ou vert. Ouais, bien vive. Bien vive et avec des petits liserés blancs, enfin un truc un peu comme dans un conte d'Hansel et Gretel quoi. Ah ouais, bah c'est typique de typique russe je pense. Et du coup ça donne un côté un peu rigolo. Ouais. Pas joli ouais. Quoi, ouais. Un peu moins terne que si c'était que du bois. Donc... On se disait quand même que l'hiver devait être bien rude, quoi. Ouais. Pour avoir lu dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson, ça avait l'air assez rude, même si j'ai pas du tout aimé ce bouquin, parce que je pense que j'aime pas son style et je pense le personnage. M'énerve un peu. Après ça c'est une expérience, enfin. Mais bon, faut être endurant pour le coup dans la solitude. Bah lui il était dans la solitude parce que c'était son expérience, mais ouais. Les gens ils vivent pas tout seuls dans leur cabane. Non mais je parle pas, moi je parlais de ça, ce que j'avais lu. Oui. Enfin voilà quoi, faut savoir. Chasser. Parce que sinon. Chasser l'ours ? Sinon, t'as intérêt à avoir de la réserve de conserve et de trucs déshydratés. Comme dans le train, quoi. Ouais, comme dans le train. Sauf que c'est pendant 6 mois. Putain, ils ont mangé une. Ah bah, je sais pas. Un litre de. Enfin, en contenance. Un champ de tournesol. Un champ de tournesol. Oui, est-ce que vous entendez les petits bruits derrière ? C'est les. Crêtes de tournesol qui sont croquées. Ils adorent ça. Et depuis la bon Turquie, hein. Ouais. Ah, c'est un sport. Mais en Asie centrale, c'est hyper. C'est partout, quoi. Non, il me semble. Bah, je pense que ça, peut-être ça pousse facilement. Ils ont beaucoup d'huile, hein. Ils font beaucoup d'huile, ouais. On avait vu pas mal de tournesol. Ouais. Ça pousse facilement. Et puis, bah, ça, c'est quand même nourrissant. Ça les occupe. J'ai l'impression que c'est une espèce de, ouais, de passe-temps, ouais. Comme jouer aux cartes. Parce que finalement, enfin, si au final, si tu fais ça pendant une heure, on a bouffé beaucoup. Mais ouais, en plus, c'est super bon. Non, c'est très très bon. Et on est un peu déçus parce que nous, on a acheté les graines de tournesol du coup décortiquées déjà. Faut et ça, c'est ça. Pas du tout pareil. C'est pas mauvais, mais c'est pas du tout leur pareil. Goût, quoi. En fait. Non, elles ont du goût, mais pas le même. Non, c'est pas du goût. D'accord. Parce que j'ai pas le droit d'avoir un avis. On est arrêté à la gare de Belogorsk. Non, oui, c'est ça. Ah oui, Belogorsk. Et il y a une statue de Lénine en peinture dorée. Et la gare est ornée de petits bas-reliefs dorés également. Si je puis me permettre de donner un avis totalement subjectif, assez de mauvais goût. Ça fait un peu Walt Disney, hein. Ouais, c'est encore un peu bizarre. Moi, ça m'étonne toujours de voir la statue de Lénine. En revanche, ce qui est fou, c'est que depuis qu'on est parti, même dans les petits bleds, dans les tout petits cas où on s'est arrêté, tout est écrit en anglais, enfin en ouais. alphabet latin. Et du coup, en anglais aussi, parce que là, il est marqué en trans, smoking area, exit, enfin, alors que bon, on est quand même vraiment perdu au fond nulle part, quoi. Ouais, bah après, le transsibérien, c'est quand même un trajet qui est depuis longtemps, je dirais pas touristique, mais du moins, il y a des étrangers qui le prennent. Comme nous, pour le kiff. Oui, enfin, je pense assez peu, parce que je pense qu'on est les seuls du train. Non, parce que au moment où j'ai voulu prendre une photo de Lénine, il y a un monsieur qui a pris la photo, il ressemblait vraiment à un touriste. Il ressemblait pas à un monsieur d'ici. D'accord. Voilà. Ok. Non, bah alors on doit être plusieurs. C'est juste qu'on n'est pas tous dans les mêmes wagons. Bah, tu sais, on a vu aussi, je pense, on s'est arrêté à une gare. C'était pas notre train, ouais. Oui, mais c'était le même trajet, j'imagine. Oui, oui, en effet, on doit peut-être être une petite poignée. J'ai fait des petites courses, j'ai pris un pain tout chaud, qui est trop bon. Et j'ai craqué pour un jus de pêche dans un tétrapack. C'est le truc qui se recycle pas du tout, quoi, tu vois. Alors c'est sûr, quand tu prends le transsibérien, c'est plastique et compagnie. Hein. Ouais, c'est-à-dire que le végétarisme et le zéro déchet, c'est pas gagné, quoi. Le végétarisme, on aurait pu réussir si t'avais réussi à communiquer avec les gens. Il suffit de dire. Enfin, le mot végétarien. Mais alors, comment ça se fait qu'on a mangé du poulet et de la saucisse? Mais j'y ai pas pensé. Et là, j'en ai pas pris des petits sortes de beignets ou de friands. Ils étaient tous vraiment suremballés dans du cellophane. Là, j'ai dit, non, je peux pas faire ça. Pas trop de... Enfin, il y a des limites psychologiques qu'on peut pas dépasser, quoi. Non, mais déjà, là, on aura produit beaucoup de déchets. Au final, voilà. Faut être... Beaucoup moins que la majorité des gens qui sont dans ce train. Clairement. Mais oui, encore trop, quoi. En fait, si on avait su, on se serait peut-être mieux préparé. On ne savait pas trop comment ça allait se passer. C'est un peu difficile d'anticiper. Puis 5 jours, c'est long. Tu peux pas trop prendre des trucs frais. Enfin... Ah, puis aux arrêts, moi, tu vois, je me suis dit, ah, il y aura toujours de quoi acheter, par exemple. C'est con, mais des nouilles. Pas les nouilles toutes préparées dans des pots avec directement de la soupe avec, mais avec de la. Juste des nouilles simples. Dans un paquet, quoi, comme des pâtes, mais un peu fine, quoi, pour que ça puisse se cuire rapidement avec le samovar. Mais c'est carrément son assiette, quoi, en porcelaine. On a une nouvelle voisine. T'as pas terminé ta phrase? J'ai dit quoi? Bah que tu pensais qu'il y aurait des nouilles. Et en fait, non, c'est que. Et on a une nouvelle voisine. Un nouveau canapé. Il a vu passer un mec avec une assiette. Il a complètement oublié ce qu'il est en train de dire, quoi. On n'a pas dit, on était le 4. Tu veux pas terminer cette phrase? Si, donc. On a déjà parlé ce matin. Je pensais qu'on avait. Voilà, qu'on allait trouver ces. Des nouilles en grande quantité sans que ce soit des plats préparés, quoi. Qui restent emballés, mais beaucoup moins que les nouilles chinoises, là. En fait, pas du tout, non. Tu trouves que des nouilles instantanées en pot. Dans des trucs en polystyrène, avec des sachets en plastique à l'intérieur, une cuillère en plastique à l'intérieur, une fourchette en plastique. Autant te dire que, ouais, c'est... Voilà, quoi. Non, mais au final, on s'en sort pas trop mal. On a réussi à limiter un peu les dégâts. Et tout ce qui a été emballé dans des sachets en plastique, on les réutilisera pour... nos poubelles, quand on fera du clean walking. On s'en sort déjà dans les poubelles, d'ailleurs. Oui. Non, mais... C'est pratique. Donc, nous avons une nouvelle voisine. Deux, même. Deux. Oui. Qui va jusqu'à Vladivostok, aussi. Exactement. L'autre, on ne sait pas. Non. La deuxième, non. J'ai pas compris, ou j'ai pas dit, je sais pas. Bon, nos échanges sont assez limités, hein. Je sais pas, j'arrive pas à voir. C'est un truc vert. Un avocat, tu crois? Concombre, là, t'as me parlé. Non, j'ai vu des concombres, ils ressemblaient à ceux de chez nous. Non, mais tu voyais pas, là, je trouve que c'est des concombres. Non, ok, mais j'en ai vu en vente. Ah, il y avait plein de magazines aussi, alors des Playboy, des trucs comme ça. C'est... Ok. Voilà. T'as hésité? Ouais, j'ai failli prendre. 8 octobre déjà. Bon anniversaire, papa. Ah bah oui, bon anniversaire. Donc, cinquième jour, ça y est. On va bientôt sortir. On va bientôt sortir de train. Ouais. Je suis presque un peu triste de quitter ma maison. J'avais pris mes petites habitudes, tout ça. Là, je serais bien content de prendre une vraie bonne douche. Non, mais à part l'histoire de la douche qui va être sympathique. Mais sinon... Mais ça va, je pue pas en fait. Non, on sent pas mauvais. Bon, faut dire, on fait zéro effort physique, donc... À part dormir. Petite toilette de temps en temps. Tous les jours. Tous les jours. Petite toilette de chat, on appelle ça. Alors, qu'est-ce qu'on a vu hier soir? Alors, on sait pas. Cette nuit. C'était quoi? Bah, il y avait des incendies, des grands feux, comme ils disaient. C'est pas des grands feux. C'est gros, c'est des espèces... Oui, mais c'était des cercles enflammés dans la steppe, quoi. C'était assez impressionnant parce qu'on est passé être proche. Ouais, on est passé hyper proche. Et surtout, comme il faisait un effet de nuit noire, ça se voyait vachement. C'était un peu fascinant. On a dit un peu des rituels sataniques. C'est peut-être des extraterrestres. C'était... Il y a une base de aliens dans la Sibérie. On ne saura jamais. Et cette nuit, t'as vu quelque chose aussi de bizarre? Enfin non, c'est pas quelque chose de bizarre, c'est juste que moi ça m'a surprise parce que je m'y attendais pas. Je me suis réveillée vers, je sais pas, une heure et demie du matin, un truc comme ça. Je levais la tête pour regarder par la fenêtre et il y avait une énorme usine avec plein de piliers, avec des lumières et tout ça. Ça faisait vraiment genre... je sais pas, truc de science-fiction quoi, enfin c'était hyper bizarre. Donc j'ai noté où c'était pour regarder sur internet, sur Google Maps, sur le Google, les images, ouais, pour voir à quoi ça ressemble et tout. Parce que bah, du coup j'ai pris une photo, mais bon, comme il faisait nuit et qu'on bougeait, clairement ma photo ne me rend pas grand chose. Donc c'était pour te montrer aussi. C'était impressionnant. Et on était très proche de la frontière chinoise du coup à ce moment-là. C'était pas en Chine en l'occurrence l'usine, mais c'était très proche de la frontière. Et là on va être pas loin de la frontière nord-coréenne. Ça t'excite ça, hein? Ouais. J'aimerais bien voir ce que ça, quoi ça ressemble. Quoi. Ça se trouve on ira au Turkménistan. Tu verras à quoi ça ressemble à peu près à la Corée du Nord. Parce que c'est la Corée du Nord d'Asie centrale. Donc, Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, sinon, j'ai pas dormi. J'ai pas dormi la nuit parce que j'étais malade, que les gens faisaient du bruit. Ils avaient décidé de faire salon de thé à minuit et demi, tous les jeunes mecs là du wagon. Donc à mes pieds, bien sûr. Enfin, je suis retrouvée en face à mes pieds. Très très agréable. Oh, ces petits jeunes, hein, franchement. Mais ils ont dormi toute la journée, je te dis. Donc du coup, ils étaient pas fatigués, c'est sûr. Tu vas devenir vieille grincheuse. Non mais bah oui, quand ça m'empêche de dormir c'est un peu chiant. Oui. Et surtout quand en fait mais c'est lié à aucune nationalité en particulier, hein. Enfin c'est juste les gens sont comme ça quoi. Mais les gens en ont rien à battre de respecter les autres, hein, globalement, tu vois, c'est un peu un principe général, j'ai l'impression. Ah oui. Donc chacun fait ce qu'il veut, hein. Voilà, ça écoute de la musique sans casque, ça on l'a déjà dit, mais ça regarde des vidéos sans casque non plus, n'importe quelle heure, hein, du jour de la nuit, fort, pas fort, tout le monde s'en fout. Ça téléphone aussi, ta colocataire du dessus là, qui téléphonait à 6h30 du matin, alors que tout le monde dormait, enfin tu vois, c'est pas comme si tout le monde était réveillé, bon, c'est que là je peux comprendre, mais c'est pas le cas. Qui ouvrait son sac plastique et son paquet de gâteaux hyper fort sans faire trop attention à rien. Bon, les gens s'en foutent de tout, quoi. Donc c'est assez désagréable, moi je trouve. Mais bon. Du coup, on se dit vivement le Japon, peut-être que ce sera un peu plus ordonné. C'est un peu différent. Non, mais c'est. C'est ma théorie, hein, mais je pense que. Plein de problèmes dans le monde viennent aussi un peu de ce problème de base, quoi, d'individualité, de non respect de l'autre et tout. Donc, voilà. Donc, oui, et donc je me suis réveillée ensuite, j'avais mal partout aux oreilles et tout, donc je me suis réveillée, j'ai lu un bouquin sur l'effondrement. Donc, voilà, je suis du coup de très très bonne humeur, j'ai un bon moral là. En plus d'être malade, de temps en temps, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me mettre au fin fond de mon lit. Enfin, j'ai pas de lit, mais. Un lit, quoi. Mais pourquoi tu. Pourquoi je fais ça? Tu t'infliges ça? Ah, parce que j'aimerais être informée, parce que tu vois, au-delà de. c'est bien beau d'avoir des espèces de théories, de croire en des trucs et tout ça, mais si c'est pour brasser un peu de l'air quand on te pose des questions, ou pour essayer de se défendre quand on, tu vois, on conteste tout ça, bah, du coup j'aimerais bien avoir de l'information. L'information est le meilleur moyen de combattre l'ignorance de toi et des autres. Donc, bah, je sais pas. Du coup, je me suis un peu demandé qu'est-ce que je fais là, tu vois. Puis sur mon petit lit, là, de transsibérien, je me disais, mais... Je pense qu'il y a moyen de te faire une petite corde avec les draps. Non, non, mais... What is the point? De quoi? C'est ça, ce que tu te... De la vie? Ouais, ou de... je sais pas. Ouais, non, pas de la vie, puisque bon, ça. J'en sais rien, personne ne le sait. Quel est le. Sens de la vie. Non, mais c'est ça, enfin, tu vois. Certains diront qui place ça dans Dieu et tout ce qui va avec. Chacun son sens. D'autres raisons, enfin, bon, ça, c'est pas trop mon sujet. Mais en revanche, où est-ce qu'on va? Et comment on y va? Et pourquoi on fait ça? Enfin, tu vois. Nous et les autres, enfin, individuellement et collectivement. On parle pas du voyage là, on est d'accord. Oui, oui, non, mais bah, du coup. On perd pas les gens. Non, mais du coup, ça fait partie aussi du truc. C'est, du coup, pourquoi si on fait ça? Enfin, on avait déjà eu cette question qu'on s'était posée. Je sais plus quand d'ailleurs. Bref, ça nous arrive régulièrement de nous poser des questions sur pourquoi on est là, nous. Hein. Enfin, tu vois. Pourquoi on fait des trucs? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour changer? Est-ce qu'il faut faire plutôt ça, plutôt ça? Bon, bref, du coup, je suis un peu. Voilà, mais j'en suis qu'à 150 pages. Il y en a 450, donc autant te dire qu'à la fin des 450 pages, à mon avis. Je serai en éco-dépression. Vous êtes bien sur Radio Suicide, à vous les studios. Ah non, mais c'est la réalité de ce qui nous entoure. Hein. Enfin, on peut pas se voiler la face non plus, tu vois. Non ? Je sais pas, là. T'as pas d'argument ? On a, oui. Non, alors, j'ai terminé aussi le bouquin La Religion, du coup, de Tim Willox. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, ok. Qui est hyper gay. Bah, mais bon, globalement, il y a quand même beaucoup de littérature qui sont un peu. Surtout de la littérature, soit sérieuse, soit pour adultes, qui sont un peu déprimantes. Quoi. Enfin, c'est rarement des histoires hyper jolies, tu vois. Ou alors, c'est de la littérature un peu. Enfin, tu vois, cette littérature un peu à l'eau de rose qui n'est pas forcément très intéressante. Mais c'est rare d'avoir un bouquin qui est intéressant, bien écrit, avec pas un truc déprimant, quoi, au milieu, tu vois. Alors, vu que je lis pas beaucoup, je sais pas, mais je me dis qu'il doit y en avoir quand même. Sûrement, mais bon, bref, il n'y a pas grand chose qui passe dans mon champ de vision, quoi. Parce qu'on te l'a conseillé, enfin, t'en as entendu parler, mais. Oui. Ah oui, oui. Oui. Tout à fait. Bon, bref, et donc, du coup, quand je vois ce qu'il raconte, qui est de la fiction, hein, mais qui est quand même basé sur des faits un peu réels, et que de toute façon, c'est des trucs qui se sont passés dans une certaine mesure, quoi. Ce que les gens sont capables de faire comme cruauté. Alors, ça n'est plus aujourd'hui parce qu'il y a une espèce d'éducation qui fait qu'on est un peu plus civilisé, quoi, tu vois. Quand on quand même a évolué. Voilà. Mais je pense que ça reste au fond de nous, tu vois, si la barrière de cette éducation tombait, je sais pas trop qu'est-ce qui se passerait. Mais donc, quand tu dis ce que les gens sont capables de faire pour tout un tas de raisons, en l'occurrence, là, c'est pour Dieu, que ce soit Allah ou Dieu, c'est pas la question, mais c'est un peu la même chose, enfin, dans le bouquin. Ça donne pas quand même trop foi en l'humanité, quoi. Et surtout, de donner comme justification la religion, alors que moi, qui je suis pas enfin croyante, tu vois, pour moi, c'était plutôt aime ton prochain, tu vois, sois bon avec les autres pour aller au paradis. Enfin, c'est un peu cette vision générale que j'ai de la religion. Bah, je me dis, les gars, vous avez pas bien compris le message, quoi, après, ouais, enfin, tu vois. Et c'est des trucs, c'était horrible. Enfin, j'ai lu des descriptions, les gars. Enfin, Game of Thrones à côté, c'est la rigolade. Enfin, je sais pas, j'ai pas vu, mais. Non, je pense pas. Je pense que c'est un peu pareil. Hein. Moi, j'ai presque fini Dracula. Ah, bien. Enfin, presque. J'ai pas encore fini. Ah, mais d'accord. C'est sympa. Mais c'est intéressant. Comment c'est fait? Comment c'est écrit? C'est. Il y a des lettres, des journaux intimes, quoi. Des articles de presse où toute l'histoire est construite comme ça et c'est pas mal, quoi. Enfin, je trouve. On lit pas tout à fait la même littérature, c'est moins triste, toi, quand même. Pas enfin, vu que c'est plus fantastique. Il y a des morts, quand même. Oui, mais Vu que c'est plus, oui, c'est plus romancé et moins... Ah oui, non, je pleure pas, non. Quoi. Voilà. Tu te dis pas, mais pourquoi ? Ah, je crois que j'ai cru lire que Bram Stoker avait piqué la nana de Oscar Wilde. Oui, il veut pas être content. Bah, c'est la vie, hein. Avec Amélie Lagardère, qu'est-ce que tu veux que je te dis ?